Ma meuf est belle et ma meuf est bonne. Mon père est fier et ma mère est nonne. Je travaille pas, je fais des sommes. Y'a les esclaves et y'a les hommes. Pourquoi tu me regardes de la sorte? Touche pas ma drogue, c'est de la forte. Je roule au pas, je prends mon temps. Toi t'es au pas, pas de la porte. Je sens qu'on se vante à chaque fois qu'on ouvre la bouche. Tu baisses que dalle, c'est à peine si tu as touche. Tu recycles, tu crées rien même quand tu as touche. T'as rien inventé avec ton viol sous la douche. J'suis mal pessage, vaut mieux que ça. Si un jour j'me la pète, c'est que j'suis en deçà. À qui sont beaux les gens certains? J'aimerais m'en faire un. Leurs vies sont lourdes, leurs vies sont lourdes. Leurs vies sont lourdes, leurs vies sont lourdes, j'ai le frisson. Leurs vies sont lourdes, leurs vies sont lourdes, j'ai le frisson. J'fraille sur ma libé. Grosse gare et moitié de pilule. J'vois ton trou comme un petit pétule. J'aime ton trou comme un détritus. J'fraille sur ma libé. Grosse gare et moitié de pilule. J'vois ton trou comme un petit bitume. Jette ton trou comme un détritus. On traîne toujours avec les mêmes trombines. On tient debout grâce à quelques combines. Le soir c'est l'armée des zombies. On zonait, on se combine. J'suis passé sous l'échelle de Jacob. Billet vert, j'suis Nick Sadaren. J'ai besoin des meurs d'Astaroth. Six de pute me passe la zèbre. Puisqu'il faut je garde la pêche. En attendant je bois que l'assassin. J'crois qu'il m'écoute pas vraiment. Quand il respire il claque des dents. 13 piches qui trouve pas de raison pour vivre. Tous les soirs ils sont des tous les soirs ils renoncent. Tous les soirs la même routine. Je sens qu'on se pleut plus le temps passe. Guette l'humain rêvé sans masque. Il s'ennuie de la mer et de l'odeur des gambas. Et puis dans le mal pleurer sur mon épaule, quémander mon mégot, me dire qu'il se la pète pour étouffer ses démons, démons, démons. Ça rime à rien tout ça, ma biche est michto, que serein c'est ta. Même mon père est parti très loin de là. Ma mère est aride, tarie par la ville, c'est ici même l'au-delà. Avec les gens certains, hein, j'aimerais m'en faire un. Ils sont lourdes, leurs vies sont lourdes, leurs vies sont lourdes, j'ai le frisson. J'fraille sur ma libellule. Grosse gare et moitié de pilule. J'vois ton trou comme un petit bidule. Jette ton trou comme un détritus. J'fraille sur ma libellule. Grosse gare et moitié de pilule. J'vois ton trou comme un petit bidule. Jette ton trou comme un détritus. J'fraille sur ma libellule. Grosse gare et moitié de pilule. J'vois ton trou comme un petit bitume. Jette ton trou comme un détritus. J'fraille sur ma libellule. Grosse gare et moitié de pilule. J'vois ton trou comme un petit bitume. Jette ton trou comme un détritus.